ils t'ont donné que 16 sur 20. Attends, mais tu veux dire qu'ils y vont un peu fort, hein, parce que moi, là, je t'aurais donné plus.